Allez, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur l'album Adana à contresens sur l'autoroute de la Cadrille. Et ben oui. Fait,